Salut les amis, bienvenue sur Fadjet pour une émission spéciale. Et oui, on se retrouve mercredi qui n'est pas celui habituel, mais dans ce live music by you on Fadjet, nous fêtons les 40 ans de Fadjet et c'est aussi les 40 ans du plus grand concert de tous les temps, le Live Aid du 13 juillet 1985 à Londres, à Philadelphie, mais aussi en Russie, en Australie et en Allemagne et en Suisse, je crois. Je vous ai déjà proposé la première partie la semaine dernière, que vous pouvez écouter évidemment ou réécouter sur fadjet.net, rubrique Music Live, mais aussi sur le groupe Facebook Music Live by You on Fadjet et sur les plateformes de radio habituelles que vous pouvez utiliser. Allez, c'est parti, générique Patrick! Live. Avec Yo. Sur Fadjet. Alors, ce fameux jeudi 13 juillet, il est maintenant 18h heure française, 17h à Londres et 13h à Philadelphie. Il y a déjà pas mal de concerts qui sont passés. Les télés du monde commencent à diffuser, c'est la soirée qui arrive, donc elles commencent à diffuser cet événement. En France, c'est Antenne 2 qui diffuse les premières images au journal de 20h en direct au moment où Freddie Mercury fait chanter tout le peuple de Wembley. Le concert sera diffusé partiellement et en différé dans l'émission Les Enfants du Rock à 22h ce soir-là. Et à la radio, c'est RTL qui fait des directs tout au long de la journée et en soirée avec aussi France Inter et Jean-Louis Foulquier dans son émission avec des invités artistes français qui commencent et qui commandent surtout l'événement. À noter aussi que ce concert rassemblera plus de 2 milliards de téléspectateurs dans le monde, que ce soit alors et donc plus que la retransmission du premier pas de l'homme sur la Lune en 1969. 18h heure française à Londres, c'est Dire Straits qui monte sur scène devant 90 000 spectateurs. La place coûtait pour la journée et la soirée l'équivalent aujourd'hui de 20€ avec un don obligatoire de 80€. Il fait chaud ce soir-là, mais le public est encore plus chaud. Chaque artiste fait un set de 25 minutes maximum. En deux chansons, Mark Knopfler et ses acolytes vont faire le job. Et voici Sultan of Swing qui, dans une version de 12 minutes, on s'accroche, c'est parti! You don't see too many faces coming in out of the rain to hear the jazz go down. Competition, too many other places. Give out the horns and blowing that sound, blowing down. Way on down south, way on down. Monday in town. Check it out, Guitar George. Now he knows all that fancy chords. He'd spread the moon and make it cry, make it sing now.

complètement fou, cette version de 12 minutes de Dire Straits de Sultan of Swing. Bon, n'oublions pas non plus que c'est les 40 ans de Fadjet, hein. Alors on raconte l'année 1985 et tout ce qui s'est passé à Fadjet. Eh bien, c'est le beau fixe cet été là aussi, le bouche à oreille fonctionne bien, et beaucoup de jeunes et d'étudiants écoutent cette nouvelle radio atypique dans le paysage audiovisuel de Nancy à l'époque. C'est les vacances, chacun vient au local pour donner un petit coup de main. On réalise avec les moyens du bord des affiches, on distribue les premiers autocollants, on décore le local, on enregistre les premières promos de des émissions, on édite un petit programme papier des émissions que les jeunes se distribuent entre eux, et un premier bel événement va arriver. À suivre. Bon, on repart à Londres car va là arriver sans doute ce qui a été considéré comme le plus grand moment de ce Live Aid 1985, c'est-à-dire la prestation du groupe Queen. Alors au début, il faut savoir que Queen n'était pas du tout programmé dans le projet, puis par l'assistance de Mercury et du directeur du label, a été programmé. Puis, 15 jours avant le concert, le manager du groupe annule leur participation. Freddie Mercury est malade, il souffre d'infection à répétition. Il apprendra malheureusement en 1987 la vraie maladie dont il souffre. Finalement, 3 jours avant la date, ils maintiennent la participation du groupe, même si la santé de Mercury n'est pas super bonne. Et à 18h41, lorsque le groupe arrive sur scène, il va y avoir un vrai miracle qui va se produire, ou du moins un exploit de par la volonté de Mercury qui va être absolument incroyable. Il va tout donner et rendre la prestation du groupe fabuleuse. Le public devient hystérique et le monde entier va saluer cette performance, même si seulement elle dure 20 minutes. Alors là, on se fait plaisir. On retrouve comme si on y était Queen, et pour 4 titres. Allez, je vous donne même pas les titres, vous les connaissez par cœur, et on ne s'arrête pas, on écoute tout. Queen, c'est à vous! public à Londres ce soir-là est complètement déchaîné. Be a big man someday. I'm out on your my bars and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all. But it's been a bed of roses. No pleasure cruise. I consider it a challenge. Extraordinaire, les Queens ce soir-là au Live Aid 1985. On fête les 40 ans et on fête aussi les 40 ans de Fadjet. Allez, on file vite à Philadelphie parce que là, il y a Neil Young qui arrive sur scène et qui va nous interpréter Helpless. With dream, comfort, memory, despair. And in my mind, I still need a place to go. Cause all my changes were there. Sky. They're throwing across the sky. They're throwing shadows on my eyes. Helpless, helpless, helpless. Helpless, helpless, helpless. Helpless, helpless, helpless. Neil Young avec son Helpless. Et pendant ce temps-là, Fadjet, on n'oublie pas la première année 1985. Eh bien, pour cette année de création, tout se passe un peu mieux. Une belle idée va surgir d'un jeune et de l'aumônier des lycées professionnels de Nancy, le père Guy Lescane, qui officie également à la prison Charles III dans le quartier tout proche de la rue des Ponts où la radio se trouve, provisoirement, avant de devenir quelques années plus tard ici rue Charles III. Cette idée va donner naissance à la seule émission qui perdure encore aujourd'hui depuis 1985, c'est Paroles d'Outre-Mur. Les détenus de la prison Charles III, qui n'ont pas de ressources, mais les autres aussi, vont pouvoir écrire des lettres à leur famille qu'ils vont envoyer à Fadjet et qui seront lues par les animateurs. Une manière de raconter leur vie carcérale au quotidien, de se sentir moins seul aussi, et souvent ensuite de recevoir des courriers de leur famille, mais aussi d'auditeurs et de créer ainsi un lien social au-delà des murs d'une prison. L'idée du détenu dont je vous parlais la semaine dernière, grâce aux jeunes de la radio, s'est ainsi concrétisée. Malgré cette belle énergie, des soucis vont pas apparaître assez rapidement, mais là, c'est une autre histoire à suivre. On retrouve Londres et David Bowie qui vient de monter sur scène. On l'écoute tout de suite. C'est Modern Love. I know when to stay in, get things done. I kept some people, boy. Things don't really change. I'm like him in the rain, but I'll never wave bye-bye. But I try. It's not really work, just a David Bowie. Et maintenant, Phil retourne aux États-Unis, à Philadelphie, où il y a Phil Collins qui vient d'arriver. Il a pris le Concorde, vous vous rappelez, je vous ai raconté la semaine dernière. Il a chanté sur la scène de Londres, et puis il a pris un Concorde qui lui était affrété. Il est reparti directement à Philadelphie avec le décalage horaire. Ben, il arrive pile poil pour 20h, et il commence à jouer un peu avec tout le monde. Il est un peu décalé. Il va jouer notamment avec Eric Clapton. Il va jouer aussi avec Led Zeppelin, mais là ça va être une cata terrible. Il s'installe tout seul au piano et il rejoue la chanson qu'il avait chantée à Wembley. Et on l'écoute cette fois. C'est In the Air Tonight. Good evening, Philadelphia. Good evening, America. Good evening, London. Good evening, the world. I was in England this afternoon. Funny old world, isn't it? But this is the other song that I know on the piano. Thank you. Magnifique interprétation de Phil Collins de son In the Air Tonight. Bon, et maintenant, on retourne à Fat Jet 1985. Qu'est-ce qui se passe là? Eh ben, tout va bien, sauf que, Fat Jet est toujours une radio pirate. Et cela commence à se savoir, et les premières réactions officielles des services de l'État ne sont pas encourageantes. Alors Fat Jet va décider de déplacer son émetteur dans le clocher de l'église Saint-Charles, au cas où une descente de police viendrait confisquer le matériel. Fat Jet continue ses programmes en bravant les risques qui vont se confirmer en devenant une radio interdite par décision de justice, très rapidement. À ce moment-là, deux personnes vont décider d'écrire au ministre, le proviseur du lycée Sifflé et l'évêque de Nancy. Les menaces vont s'atténuer un petit peu. On va un peu laisser tomber l'affaire. À partir de 1986, la mairie de Nancy et le conseil général à l'époque vont soutenir fortement l'existence de Fat Jet pour son action. Et même si toujours officiellement interdite, un peu tolérée quand même, c'est en 87 que Fat Jet aura une autorisation officielle d'émettre sur Nancy et dans un rayon d'environ 30 km. C'est bien sûr à partir de là que tout va changer progressivement, d'abord pour la stabilité et la pérennisation de la radio, mais aussi en termes de moyens, de structuration, en devenant une association et en faisant des projets à plus long terme, d'organisation aussi, de reconnaissance. C'est ainsi qu'une nouvelle page et un nouvel espoir s'ouvre pour Fat Jet, mais ça, c'est une autre histoire. Allez, on se retrouve à Londres. Il y a Sir Elton John qui nous attend, il va nous présenter un petit jeune. C'est parti. This guy, I admire very much for his musical talent more than anything else. So, on stage, Mr. George Michael! Mr. George Michael. Et d'ailleurs, cet essai qui a été fait à Wembley le jour du Live Aid va se transformer puisque Elton John et George vont enregistrer le disque, en faire une version live aussi lors d'une tournée de George Michael, et ça va devenir un des plus grands succès des années 80. Allez hop, on retourne, on y va. Seem to fade to black and white. I'm growing tired, and time stands still before me. Frozen here on the ladder. Save myself from falling. Et voilà, Michael, George Michael et Eric Clapton, donc, qui étaient restés au piano. La soirée du Live Aid se poursuit des deux côtés de l'Atlantique avec de nombreuses stars. Paul McCartney à Londres, qui va avoir une coupure de réseau, puis une panne de micro, une soirée cata pour lui. Côté Philadelphia, il y a Crosby, Stills, Nash et Young qui vont se reformer le temps de quelques chansons. Il va y avoir aussi Duran Duran qui va faire un tabac. Mick Jagger qui appelle sur sa troisième et quatrième chanson Tina Turner. Il y a Bob Dylan aussi qui vient terminer la soirée. Et la soirée se termine en même temps à Londres et à Philadelphie pour 23h, heure française, avec côté anglais tous les artistes qui se regroupent et qui chantent un titre sorti le Noël précédent en faveur justement de la cause éthiopienne. Do they know it's Christmas? Savent-ils que c'est Noël? Et côté Philadelphie, un titre pour la même cause, sorti juste 3 mois avant et qui est devenu un tube planétaire, écrit par Michael Jackson et Lionel Richie, We Are The World. Eh bien, nous allons terminer cet anniversaire des 40 ans du Live Aid et de Fagette avec cette chanson, We Are The World. Bon, c'est vrai, dans une jolie cacophonie quand même. Allez, on se retrouve, au courant de ce mois, dernier mercredi du mois, pour une nouvelle émission de Music Light. D'ici là, portez-vous bien, je vous fais la bise, à bientôt, ciao. Something very special we want to do right now. The greatest gift of all. Tell me day by day, there's no more. Only grace will change. Mama, Father, God's a great big family, and the truth is no love is all we need.